L'Évangile selon Matthieu. Au cours des premières décennies de l'Église primitive, les témoins oculaires de la vie terrestre de Jésus-Christ racontaient autour d'eux les événements auxquels ils avaient assisté. Mais, avec leur disparition progressive, le besoin d'un texte écrit s'est fait sentir. C'est alors que Dieu a choisi 4 témoins de ces événements extraordinaires et, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ils ont rédigé le récit de la vie terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais dites-nous, en quelle langue les évangélistes ont-ils écrit leur texte? Ils l'ont écrit dans la langue qu'ils connaissaient le mieux, probablement l'araméen pour Matthieu, et très certainement le grec pour Marc, Luc et Jean. Et que savons-nous de Matthieu, l'auteur du premier évangile? Cet homme était un publicain, nous dirions aujourd'hui peut-être un percepteur d'impôts ou, si vous préférez, un douanier qui prélevait pour le compte de l'autorité romaine les taxes que les voyageurs devaient payer en passant d'une province à l'autre. La profession de Matthieu devait le rendre plutôt impopulaire auprès des Juifs, en général hostiles à l'autorité occupante. Néanmoins, le Seigneur choisit Matthieu, que le texte biblique appelle aussi Lévi, et cet homme, habitué à consigner par écrit les sommes qu'il percevait, a été employé dans l'orientation à laquelle sa profession l'avait préparé pour montrer à ses compatriotes l'importance de ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Effectivement, l'expression « afin que les Écritures soient accomplies » revient fréquemment comme un leitmotiv dans cet évangile, car le Saint-Esprit avait assigné à Matthieu cet objectif: prouver aux Juifs, par l'Ancien Testament, que Jésus était leur Messie. Si c'est là le message central de l'Évangile selon Matthieu, pouvez-vous citer un exemple qui le démontre? Oui, je vous invite à lire au chapitre 21, les versets 4 et 5. Matthieu 21, 4 et 5. Matthieu décrit ici l'entrée du Seigneur à Jérusalem, puis il dit: « Ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi. » Tous les chapitres de l'Évangile selon Matthieu mettent en relief la royauté de Jésus-Christ. Matthieu 1 présente les titres généalogiques du roi. En Matthieu 2, les mages venus d'Orient posent cette question: « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Matthieu 3 nous montre Jean-Baptiste, messager et précurseur du roi, qui proclame au désert « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » En Matthieu 4, Jésus-Christ lui-même reprend ce même message et le proclame partout en Palestine. Puis, les chapitres 5, 6 et 7 sont consacrés au sermon sur la montagne. Jésus-Christ y révèle les principes fondamentaux de son royaume sur la terre. Soulignons en passant que ce royaume n'a pas été accepté par les Juifs. Aussi, l'application littérale de certains de ces principes est-elle reportée au jour où Jésus-Christ règnera sur la terre. Toutefois, j'ai hâte de dire que ces pages admirables sont à la base de la morale et de l'éthique chrétienne et que de ce fait, elles nous concernent directement. Les chapitres 8 et 9 de l'Évangile selon Matthieu démontrent que le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles seulement, mais avant tout en puissance. Effectivement, après les paroles du sermon sur la montagne, la puissance messianique est à l'œuvre, prouvant aux Juifs que ce prophète qui guérit les malades, délivre les possédés, ressuscite les morts, c'est bien leur roi, leur Messie. Au chapitre 10 de l'Évangile selon Matthieu, le Seigneur envoie ses disciples dans les villes et les villages pour proclamer aux Israélites que le royaume des cieux s'est approché d'eux en la personne de leur roi. Puis, à partir des chapitres 11 et 12, les chefs religieux d'Israël, jaloux du succès de Jésus, prennent position contre lui. Le roi est rejeté. Son précurseur Jean-Baptiste est emprisonné. Aussi le Seigneur se tourne-t-il vers les foules, déçues de la religion, puis vers les païens. Il propose à tous sa grâce inconditionnelle et illimitée. Le chapitre 13 apparaît alors comme une charnière dans cet évangile selon Matthieu, puisque son enseignement ne concerne plus seulement les Juifs de l'époque, mais chacun de nous. Excusez-moi de vous interrompre. Pensez-vous vraiment que les paraboles de Matthieu 13 ont une signification pour nos temps? Certainement. En énonçant les paraboles du royaume des cieux, Jésus, le roi des cieux, lève le voile sur l'avenir et prédit à ses auditeurs les conséquences de son rejet. Des situations confuses se développeront ici-bas. D'une part, les vrais disciples du Seigneur le suivront, le serviront, le glorifieront. D'autre part, les formes et les imitations de la piété, les situations fausses et les erreurs doctrinales se manifesteront parallèlement à un christianisme vrai et authentique. Tel est le sujet des paraboles du royaume des cieux. Dans chacune d'elles, nous voyons un contraste entre le vrai et le faux. Dans la parabole du semeur, par exemple, il y a 4 terrains, mais un seul de ces terrains est fertile. Dans la parabole suivante, l'ivraie croît en même temps que le bon grain. Même principe un peu plus loin, dans la parabole du levain, qui fait lever toute la pâte. C'est l'image du ferment des fausses doctrines qui infectent l'ensemble de la chrétienté. Et cette situation se prouve aujourd'hui. Le vrai et le faux cohabitent et se développent simultanément. Beaucoup de gens se disent chrétiens, mais seul Jésus-Christ connaît ceux qui lui appartiennent parce qu'ils sont nés de nouveau. Poursuivons notre survol de l'Évangile selon Matthieu. Dans les chapitres 14 à 16, le Seigneur nourrit la foule affamée, calme la tempête sur la mer, guérit la fille d'une païenne et propose sa grâce à ceux qui se sont distancés des chefs religieux dans leur décision de rejeter leur roi. Et cela ressort encore davantage dans les chapitres 17 à 23 où Jésus-Christ annonce à plusieurs reprises sa mort à la croix. Il monte à Jérusalem et là, il affronte les défenseurs de la tradition judaïque et certaines délégations des politiciens de la nation. Dans leur jalousie, les uns et les autres complotent déjà de le faire mourir. Puis, comme une parenthèse dans le récit, les chapitres 24 et 25 sont consacrés au discours du Seigneur sur le mont des Oliviers. C'est comme une fenêtre ouverte sur les circonstances précédant son retour et son avènement comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Les traits caractéristiques de l'Évangile selon Matthieu ressortent jusqu'à la fin. Ainsi, il s'attache à montrer la responsabilité des Juifs lors de la crucifixion du Messie. Dans les chapitres 26 et 27, qui sont entièrement consacrés à la passion de Jésus-Christ, Matthieu seul relève la phrase que les Juifs prononcèrent lors de la condamnation de Jésus-Christ. « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants » Matthieu 27, 25. Or, l'histoire a abondamment démontré les effets dramatiques de cette malédiction qu'Israël s'est attirée à ce moment-là. Alors, les Juifs seraient-ils plus coupables que les autres peuples parce que leurs chefs ont décidé la mort du Messie? Non, je pense que le monde entier, et vous comme moi, nous avons notre part de responsabilité dans le crime de la crucifixion. Mais les Israélites avaient été prévenus de la venue du Messie par l'Ancien Testament. Ils avaient eu tous les privilèges devant Dieu. Aujourd'hui encore, ils sont aimés à cause de leur Père, dit l'Écriture. C'est pourquoi tout chrétien a le devoir d'honorer ce peuple qui a donné naissance à notre Sauveur. Mais la Bible nous montre que tant qu'il n'aura pas confessé son crime de la croix, il n'y aura pas de renaissance spirituelle et de bénédiction divine pour ce peuple. Au contraire, il souffrira sans doute encore beaucoup, jusqu'à ce qu'il s'avoue coupable devant le Fils de Dieu et, selon les termes inspirés du prophète Zacharie, jusqu'à ce qu'il pleure sur lui, le Messie, comme on pleure sur un fils unique. Le chapitre 28 de Matthieu est consacré à la résurrection. Une fois encore, Matthieu est le seul évangile qui montre le mensonge flagrant par lequel on a essayé de nier le miracle de la résurrection. Des Juifs ont répandu le bruit que, malgré la garde postée à l'entrée du sépulcre, les disciples du Seigneur avaient dérobé son corps. L'évangile selon Matthieu atteste en quelque sorte la responsabilité des Juifs face aux preuves messianiques que Jésus a fait éclater parmi eux au cours de 3 années de ministère terrestre. Voulez-vous dire par là que l'évangile selon Matthieu ne s'adresse qu'aux Juifs ? Pas du tout. L'évangile selon Matthieu s'adresse en même temps à tous les hommes, mais il fait ressortir une priorité que Dieu a voulu, je cite l'apôtre Paul, « L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Épître aux Romains, chapitre 1er, verset 16. L'évangile selon Matthieu ouvre le Nouveau Testament, montrant ainsi que le salut en Jésus-Christ est d'abord proposé aux juifs. Mais que de fois dans l'évangile selon Matthieu, le Seigneur a-t-il débordé le cadre du peuple juif pour s'adresser à tous, sans distinction de race ou de langue, invitant chacun à se repentir et offrant son salut à quiconque voulait bien le recevoir. Lisons ensemble Matthieu, chapitre 11, verset 28, c'est Jésus qui parle. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le Seigneur s'adressait alors à une foule de gens fatigués de la vie, souvent excédés par les scribes et les pharisiens, qui, par leur tradition religieuse, exerçaient une contrainte sur les âmes. Jésus proposait à tous soulagement, délivrance, repos. Seriez-vous aussi fatigués et chargés? Êtes-vous peut-être soucieux de l'avenir, préoccupés par les événements présents? Ployez-vous sous le joug des problèmes de la vie? Seriez-vous excédés par les circonstances ou par votre entourage? Ou bien chargés, même écrasés sous l'angoisse, les accusations, les doutes ou les craintes dépressives? Eh bien, vous qui êtes chargés, venez aujourd'hui à Jésus-Christ et il vous donnera le repos. Cette invitation n'a rien perdu de son actualité après 20 siècles. Jésus-Christ, le Sauveur de tous les hommes, vous connaît, vous comprend, vous aime et vous dit aujourd'hui « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »